Alors, on s'est connus il y a sûrement déjà pas mal d'années, hein. Oui. Ça fait quoi? Ça fait bien... Bon, là, c'était avant le Covid. Ça, alors, ça fait quoi? 5 ans? 6 ans? 6 ans, 7 ans. Je crois qu'on s'était connus, évidemment, sur un bal swing. Ça, peut-être que là, ça, c'est sûr. Ça devait être un bal de polo, comme ce soir. Et ça devait être en plein air, je crois, la première fois. Ou alors, c'était au Marcounet.